guerre sans fin qui touche l'inconscient. Prendre les armes il y a si longtemps. Si longtemps que la guerre est une preuve de bon sens. La chair est une forteresse, une récompense. L'arbre de vie est preuve de trahison. Le bonheur donne sa place au poison. La nature mort retrouve sa solitude. Ils tueront par habitude, par habitude. Il y a aussi le combat de toute une vie. Regardez un enfant grandir dans ses actes. Une torture, un mode de désolation. Regardez s'envoler nos plus chères possessions. Se voir mourir en martyr touché au cœur. L'injustice a eu raison de mon bonheur. C'est une simple guerre de sentiments. Perdre l'existence sans aucun châtiment. Soldat d'un monde de perception. Chaque guerre est une folie d'obsession. Nos rêves s'effaceront avec le temps. Plus rien ne sera comme avant. Soldat d'un monde de perception. Chaque guerre est une folie d'obsession. Nos rêves s'effaceront avec le temps. Plus rien ne sera comme avant. La plupart des combats se font en enfer. Il existe un Dieu qui règne sur terre. Un Dieu unique pour délivrer ses fils. L'iniquité est bannie autant que l'injustice. L'esprit recherche la vie, le bonheur. L'âme est le reflet de nos rêves, notre concepteur. Il existe un monde au-dessus de tout. Un monde où la pensée est partout. Il existe un monde de misère. Un monde sans perception, esprit solitaire. Autour de moi la guerre, la faim, la misère. Partir loin sur une terre prospère. Espérer enfin retrouver le paix. Donner à cette communauté son destin. Silence, aime, aime Marie. Silence, que le fils de l'homme soit béni. Soldat d'un monde de perception. Chaque guerre est une folie d'obsession. Nos rêves s'effaceront avec le temps. Plus rien ne sera comme avant. Soldat d'un monde de perception. Chaque guerre est une folie d'obsession. Nos rêves s'effaceront avec le temps. Plus rien ne sera comme avant.